Écoutez l'histoire tragique d'un échec, d'un revers, d'une vilaine parenthèse. Dans ma vie d'hédoniste, car une volée de bois vert va clore la parenthèse. Pourtant, nous étions chauds comme la braise et sur des charbons ardents pour sauter de la falaise vers le gouffre de l'endettement. Se donne sans compter. Ma femme m'a dit un jour un truc qui me rend tout mou. Avec toi, mon amour, je serai bien partout. Et puis de ce petit revers, j'ai tiré une chanson. Et ça, c'est le principal, ouais, bien mieux qu'une maison. Comme dit mon pote Alan, qui lui est vraiment fort, ce qui ne nous tue pas nous rend beaucoup moins morts. Ce qui ne nous tue pas